vous êtes à l'écoute de... Bonsoir. Les tranches d'anars ne sont pas au studio ce soir, mais ils ont choisi de rediffuser cette émission qui a été faite le vendredi 8 mars. Le vendredi 8 mars, il y a eu des grèves des femmes pendant la journée internationale pour les droits des femmes partout dans le monde, mais aussi à Bruxelles. À Bruxelles, le collectif de 8 mars, un collectif indépendant des partis et syndicats, ont fait l'appel à la grève et ont organisé un rassemblement sur l'espace public, le carrefour de l'Europe, à partir de 9h du matin à 17h. Et à 17h, la marche mondiale des femmes a eu lieu. Mais il y avait aussi d'autres actions diverses dans la ville et des piquets de grève dès le matin à Bruxelles. Deux femmes de Radio Air Libre et cinq femmes de Radio Panique ont collaboré ensemble pour faire une couverture radio de cette journée. Voici le résultat de deux émissions qui ont été faites avec le studio volant dans le café Dolemol qui se trouvait juste à côté de la place Carrefour. Bonne écoute. On fait un appel de grève à toutes les femmes. Notre grève sera globale sur les lieux de travail, à la maison et dans la rue. Esto sería una crisis total en Bélgica. Bonsoir, on est toutes et tous. On est de nouveau dans l'émission directe du studio volant depuis le café Dolemol à Bruxelles avec Radio Panique et Radio Air Libre. Et on arrive, c'est la soirée, on est à 19h maintenant. On suppose que la manif vient de se terminer à Place Luxembourg et qu'il y a encore un peu des prises de parole là-bas et les concerts. Mais donc nous, on se trouve ici dans le café et on va faire encore une émission d'une heure avec les prises de son qu'on a prises juste avant la manif sur le carrefour d'Europe où il y avait blindé de gens. Vraiment, c'était fort blindé. Voilà. Et donc, on est un peu allé à gauche, à droite, parler avec des gens, des femmes là-bas et pour savoir pourquoi est-ce qu'elle était ici et tout ça. Voilà, je pense que je suis tombée sur une femme qui travaille à Actiris, qui apparemment ils ont juste fait une action spontanée. Ils ont fait un grève mais très court dans l'après-midi, mais quand même c'était impressionnant le nombre qui ont fait finalement cette grève, et on peut écouter tout ça dans cette capsule. Juste avant maintenant d'écouter les capsules, je voudrais juste dire donc il y a toujours Suzy, Gwen, Julia, Lydia autour de la table, et c'est chouette, on est encore là depuis ce matin. On a été faire plein de choses et voilà, on va écouter ces petits sons que vous avez pris en effet dans la journée. Et Louison nous rejoint, c'est magnifique, youhou. Voilà, et ben allons-y, écoutons un peu ces sons et on se retrouve après. On est au Dolemol, il y a plein de bruit. Ben bonjour. Bonjour. Allez, presque bonsoir. On est juste avant la manif, mais je viens d'entendre que vous avez déjà mené une action très tôt le matin, j'entends. C'était quoi que vous avez fait aujourd'hui ? Oui, en fait, je travaille dans un organisme public, Actiris, et avec plusieurs collègues, on s'est dit, tiens, nous aussi, on devrait marquer le coup. Et donc, de façon très spontanée, on a décidé de faire un arrêt de travail en début d'après-midi. Et on a été impressionnés parce qu'on s'est dit, ben, si on est 15, c'est bien. Et finalement, on était près de 200 à être assemblés en bas de la tour, à Madou. Et des hommes, des femmes, des gens, vraiment, c'était surtout pour marquer notre solidarité avec les chercheuses d'emploi, les femmes qui sont dans des situations précaires, mais aussi les femmes qui subissent des discriminations dans le monde de l'emploi. Ouais, super. Donc c'était vraiment spontané aujourd'hui. Le matin, vous avez un peu mobilisé les femmes et alors tout d'un coup, vous arrivez à descendre devant... Oui, tout à fait, ça a été très spontané et on a mobilisé pas que des femmes mais des hommes également. Ouais. Ce qui est génial, c'est qu'on a aussi eu le soutien de direction générale, des managers, et donc tout le monde a soutenu. On a même pu poster en dernière minute l'appel via notre intranet. Donc c'est très chouette parce qu'il y a vraiment eu aussi le soutien de toute la hiérarchie Actiris. Et voilà, on espère que l'année prochaine, on sera beaucoup plus nombreux et on n'organisera pas un arrêt de travail court, mais toute une journée de grève. Génial, c'est bien à l'entendre. Et tu avais encore une autre annonce à faire d'un prochain rassemblement de... Alors cela n'a rien à voir avec Actiris, là c'est vraiment une initiative de 100% citoyenne. Là l'objectif c'est de réunir 100 citoyennes bruxelloises pour débattre dans le cadre d'un processus délibératif et participatif sur l'avenir de Bruxelles. Et on organise ça le 30 mars à la Bourse, donc restez connectés. Ok, d'accord, bien merci. Et bonne manif. Vous êtes ici aussi maintenant avec les collègues, on a la manif ou, Non, pas du sont... tout. Non, pas du tout. Là, je suis vraiment venue en tant que femme, féministe, citoyenne, bruxelloise, et c'est génial. Ok, allez, bonne manif. Merci, merci. Au revoir. Ben, bonjour. On est ici sur le carrefour de l'Europe, devant la gare centrale, et je vois une pancarte qui dit « Agriculture en grève ». Agricultrice en grève. Si t'as faim, mange tes mains. Voilà, et j'aimerais bien avoir un peu d'explication de d'où ça vient ce slogan. Alors, moi je suis agricultrice. Ça fait à peu près un peu moins de 2 ans que j'ai monté une ferme agroécologique avec 3 amis, une femme et 2 hommes. On est dans un système particulier puisqu'on essaye de régénérer la vie de la terre. On essaye de lutter contre l'agriculture telle qu'elle est conçue aujourd'hui. Qui détruit la vie du sol, qui détruit les insectes, qui détruit les écosystèmes. Mais on est aussi une ferme engagée politiquement contre le capitalisme, contre le patriarcat et toutes sortes de discriminations. Moi, au quotidien, c'est un combat multiple. Le slogan, c'est parce que ça dit plusieurs choses. Déjà, dans l'agriculture, les femmes sont extrêmement minoritaires, où elles ont des boulots très peu visibilisés. Quand nous, en tant qu'agricultrices, avec ma pote, on rencontre d'autres agriculteurs, on cherche des outils, etc. On se retrouve très rapidement à faire face à des discours assez misogynes, intériorisés, pas forcément très, très graves, très conscients, mais « Ah, mais comment tu fais? Tu dois pas être très, très forte, tu veux pas que je t'aide? Ah, tu dois avoir un homme à la maison, etc. etc. » Et parce que l'un des slogans du collectif du 8 mars, c'est « Si les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête ». Et moi, je suis agricultrice, et si je suis en grève aujourd'hui, je fais pas pousser mes légumes. J'ai peut-être des légumes qui vont... se faire manger par des campagnols parce que je ne suis pas là pour surveiller, etc., etc. Et tout ça, ça a un impact. Quand une femme s'arrête de travailler, ça a un impact sur la société en général. Et c'est quelque chose qui doit être pris en compte. La parole des femmes, l'importance des femmes dans la société, elle doit être comprise, prise en compte et respectée. C'est ça que j'essaie de dire, je pense. Ouais. Et vous êtes un peu organisé entre agricultrices ou est-ce qu'il y a un collectif c'est en titre individuel que... Je sais qu'il y a un mouvement d'agricultrices ou en tout cas de femmes paysannes qui se sont réunies, je ne sais pas où elles sont, mais moi ici, parce que je suis aussi lesbienne, je suis avec mes amis qui font partie du queer crew, du groupe, du collectif LGBT. J'ai fait ce choix-là, aussi parce que je veux aussi visibiliser cette pancarte et ce discours là où on l'attend peut-être pas forcément. Mais voilà, comme quoi on n'est jamais que agricultrice ou que femme ou que plusieurs choses en même temps. Ça, finalement, tout est lié, mais il faut quand même faire un choix. Ce jour-ci, apparemment, pour être ici ou là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, mais bien merci pour cette explication. J'espère que les agriculteurs vont bien écouter ce que tu viens de dire. Super, mais ça avance. Ça avance, ok, super, c'est bien d'entendre. Merci. Merci. Oui, alors moi je suis Agnès et je travaille chez Deleuze aussi. J'ai un mandat au niveau du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale. Je représente la CNE dans l'entreprise. Et donc effectivement, ici c'est même plus une question de est-on féministe ou pas, mais les droits égalitaires pour toutes et pour tous. Et dans ce cas-ci, effectivement, se battre pour ce qu'on constate au niveau des abus, au niveau de la femme. Je peux que rejoindre ce que disait ma collègue. Dans le commerce et au niveau de notre entreprise même, le sacrifice, en général, c'est les femmes qui le font. Donc on se retrouve confronté depuis quelques années. C'est vraiment des demandes même qui sont plus fréquentes et plus choquantes depuis les dernières années au niveau des travailleuses qui étaient par exemple à temps plein et qui demandent des aménagements en fait qui ne sont plus légalement possibles avec des pertes de salaire, mais elles demandent quand même des aménagements de réduction du temps de travail pour pouvoir s'occuper soit d'un parent qui est malade, soit de ses enfants tout simplement. Et effectivement, quand elles regardent les options qu'elles ont, les durées d'options qu'elles ont, ben, souvent elles disent tant pis, je perds du salaire, mais il faut que je le fasse parce que j'ai pas le choix. Et c'est pas le mari qui a un salaire ou un poste mieux rémunéré, en tout cas, qui va faire ce choix-là en général, donc malheureusement. Et donc oui, dans la société actuelle, la femme, c'est toujours dans l'esprit des gens, celle qui s'occupe des courses, celle qui fait le ménage, celle qui s'occupe des enfants, celle qui finalement gère tout le côté domestique et en plus qui doit travailler, et effectivement c'est celle qui sacrifie la première. Et donc il est important à un moment donné que les femmes partout se réveillent et joignent le mouvement. Et au niveau de Deleuze, ben, on espère vraiment qu'un maximum de femmes ce jour-là ne travaillera pas comme nous, seront en grève, seront en manifestation, feront quelque chose de, en tout cas, notable, peut-être de faire un petit peu folklorique, de symbolique, mais que tout le monde manifestera d'une façon ou d'une autre, que c'est important d'avoir des droits égalitaires pour tous et des droits réels. Quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. Rejoignez-nous. C'est l'équipe qui te calme, on sent le beat qui te classe. Y'a un flic, vous voyez le qui te trame, vite fait le fric, c'est le fric qui te calme, donc fais-le, fais-le. On est dans le club, y'a de la lady dans le club, la folie dans le club, j'ai vomi dans le club. Y'a pas bien de squeezer, on est dans le club, y'a de la lady dans le club. Minimum high, sweet, one cake dans tes kit capole. Vite, vite, file, on fait des vides contre l'âge. Les idées filent vite, on fait des films crades. T'excites pas, je fais que les victoires. Solo, solo, fier de l'idée vitale. Le feu est inévitable. Ça sent la vie vite, ça sent la vie vite, graille. Tu connais les hits classiques, c'est l'équipe qui calme. On sent le beat qui classe. Y'a un flic, vous voyez, qui tremble. Tu fais le fric, c'est le fric qui calme. Donc fais-le, fais-le. On est dans le club. Y'a de la lady dans le club. La folie dans le club. Voilà, on est de retour et on est toujours au Dolmol, à l'étage. Hein. Nous, on est en haut. En fait, ici au Dolmol, ça fait un peu les femmes en haut, les hommes en bas. Voilà, c'est un peu ce qui se passe. C'est comme ça. En ce 8 mars, c'est bien donc la marche qui avait débuté à 17h30, Carrefour de l'Europe, et qui arrivait au Carrefour, à la place du Luxembourg. Zoé a participé à cette marche, mais pas que. Et elle nous envoie un message pour nous dire... que ça avait un peu débordé. Alors on s'est demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et elle nous dit, ouais, on a bloqué la petite ceinture, c'était géant. Voilà, donc on relaie le message de Zoé qui nous rejoindra tout à l'heure. Bien fait. Oui. Cool. On va continuer avec l'audio d'aujourd'hui. J'ai enregistré un morceau pendant le micro ouvert. Et c'était une femme En fait, elle a pas dit d'où elle vient, mais c'était juste comme une petite rappel que il y a encore beaucoup d'inégalités partout dans le monde, et c'était ouais juste une histoire très triste. Le mariage forcé en ce pays. Alors, on va écouter ça. Today I was just a tourist, but when I passed by, I thought that I had something to say. So I just wanted to talk about something that is really serious and that is still going on in some other countries. For example, from where I come from. Did you know that in my original country, if a guy like does anything like sexual harassment or even rape a girl, if a guy rape a girl, his punishment is to marry her. Like, can you imagine this? Yes, it still exists. Actually, she has the choice to accept or refuse, but in most of the times, the family forces the girl to marry the guy. So either he marries the girl as a punishment, either he goes to prison. And there were also a lot of cases where girls in my country had committed suicide because they didn't want to marry the guy who raped her. So I just think that this is really a serious problem and no one is talking about it. And I would love to see it change someday because we're women, we're human beings with feelings. We're not objects. Like some guys, I know some people see us as like objects and dolls, even in countries like Paris or New York or anywhere else, even at work. Women get discriminated because they're women. So I just wanted to say that today. Thank you. Salut, on est un groupe de copines où on voulait venir aujourd'hui pour amener des brochures sur des thèmes qui fâchent souvent un peu dans le milieu du féminisme. La question du racisme, du féminisme blanc, des privilèges, la question des personnes trans, la question du travail du sexe. Et d'ailleurs, on a déjà eu une série d'altercations sur les sujets. Donc on est contentes, ça brasse de la confrontation, de la discussion. Et voilà, nous, on essaie de ramener aussi des thématiques plus anarcho-féministes. Et voilà, les brochures partent bien, on est contents d'être là. Ouais, un petit chanson, ok, parfait. 2, 3. Si les femmes chantent fort quand elles vont dans l'eau, foutez la paix à nos corps et à nos maillots. Pas besoin de votre avis pour me mettre en burkini ou bien en bikini. Oh, merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Dani. Je fais partie du groupe des vieux en colère. Enfin, c'est le gang des vieux en colère, pour être précis. Et nous avons décidé, en tant que vieilles en colère, de rejoindre le groupe du 8 mars, parce que bien sûr, même dans le cadre des pensions, les femmes sont discriminées. Féministes, on est la plupart toutes depuis 68, puisqu'on est des vieilles. Mais ça nous semble très important de venir soutenir les jeunes qui se battent. Et voilà, notre groupe, en fait, lui ne se bat que pour la pension des plus jeunes, de nos enfants, de nos petits-enfants. Pour nous, c'est un peu tard, mais il y a d'énormes discriminations et les femmes les subissent encore plus, puisque majoritairement des femmes ou bien ont des interruptions parce qu'elles ont des enfants, ou bien travaillent à d'être trois quarts temps, parce que dans les grandes surfaces, par exemple, c'est comme ça, elles n'auront jamais une pension complète, etc., etc., etc. Donc la cause des femmes, nous, on se bat pour que tout le monde ait une retraite décente et égale. Nos parents avaient créé cela, on ne veut pas le perdre. Et le gouvernement est en train de vouloir faire tout le contraire, de tout détricoter. Voilà, et c'est pour ça qu'on va rejoindre le 8 mars avec tout un groupe de vieilles en colère. Quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. Rejoignez-nous. space away. Alors cette journée du 8 mars, grève des femmes, concerne plusieurs thèmes, hein, vraiment. Donc notamment le travail, avec par rapport au salaire, aux conditions de travail, au travail domestique, au travail dit du care, la sécurité sociale, les services publics. On a aussi les frontières, puisque on réclame la solidarité internationale, la libre circulation des personnes, et puis aussi une lutte décoloniale et anti-impérialisme. Ça concerne le corps, la sexualité, la santé, l'avortement, la contraception, l'éducation, l'écologie, les violences. Et pour une prévention, de la sensibilisation, un accompagnement des victimes, aussi avoir une reconnaissance juridique des féminicides et la prise en compte des impacts des violences sur les enfants des victimes, et puis les violences et tous les systèmes de domination en général. Zoé nous rejoint, hop, je te balance. Voilà. Salut Zoé. Et donc il y avait cette marche et Louison a fait un bout de cette marche. Elle va nous expliquer un peu ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu. Puis Zoé également. Hop, comme ça, t'arrives et c'est parti. Oui, mais moi du coup, pas grand chose, mais j'étais avec ma bande de copines et quelques copains. On avait des clitoris géants en carton. Qu'on brandissait un petit peu dans la rue, ça a intrigué pas mal de gens qui ont pas mal pris de photos. On a vu quand même quelques types qui n'avaient pas l'air de trop comprendre ce que c'était. Bon, tant pis pour eux. Mais voilà, c'était chouette, on a bien rigolé en tout cas. Enfin, c'était bon enfant et bonne ambiance en tout cas. Très très chouette, voilà. Super bon enfant. Il y avait plein de monde. J'ai lu quelque part qu'il y aurait 15 000 personnes, mais je pense que c'est exagéré. Mais quand même, c'était super. Et donc, on était censé aller par toutes des petites rues entre la porte de Namur et la gare du Luxembourg. Et puis, à un moment, au lieu de prendre la petite rue, on a pris la petite ceinture. Mais le cortège s'est scindé en deux et donc les syndicats et la marche mondiale des femmes ont continué tout droit. C'est bizarre. Et puis le collectif de la grève a pris la petite ceinture. Et puis on s'est fait bloquer à Trône par les flics, mais ils étaient gentils. Ils étaient gentils. Je pense qu'on les a pris par surprise. Là, ils n'étaient pas prêts, quoi. Ils étaient vraiment, vraiment pas prêts. Et puis ils nous ont quand même obligés à prendre la rue du Trône plutôt que la rue du Luxembourg. Mais la désobéissance a pu prendre. Et puis les voitures étaient là. Et donc, on a cohabité avec les voitures gentiment. C'était plutôt sympathique. Par contre, c'est bien le boxon au niveau des transports et de la circulation. Mais c'est cool. C'est l'idée d'une grève, non ? Voilà, c'est l'idée d'une grève, c'est l'idée d'une marche. C'était l'idée. Et du coup, il y avait plein de chouettes slogans comme « La rue est à qui ? Elle est à nous ?» Et voilà. Et c'est exactement ça. La rue est à nous. Et ça t'a fait du bien ? Ah oui, t'es oui, tout, je suis toute excitée. Tout sourire là, ouais, c'est chouette. On entend ça aussi au même micro. Même si après j'ai gazé à pied depuis la place du Luxembourg jusqu'ici, mais voilà. Mais tu es là et merci. Voilà, je Zoé. Suis là. On a d'autres sons qui ont été pris comme ça dans la journée. Dans la marche d'ailleurs, c'est ça. Ben voilà. Ben, c'est ça. Et c'est Julia qui va nous en parler. Ah, oui. Oui, j'ai parlé avec quelques femmes. À Gare Centrale, oui, il y a une femme de la marche Mandel. Et elle m'a parlé un peu de son travail et la raison pour ouais, la raison pour laquelle elle était ici aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais pour nous nous réunissions comme chaque année le 8 mars pour revendiquer les droits des femmes contre toute forme de discrimination, que ce soit les violences, l'écart salarial, des pensions plus élevées. Mieux tenir compte de la santé des femmes qui est bien souvent aussi laissée un petit peu sur le côté parce que quand elles sont familles monoparentales, comme elles n'ont pas toujours beaucoup de moyens, pour lutter aussi pour le droit à l'avortement. Enfin, on a un tas de choses à revendiquer à nouveau. On a peut-être l'égalité sur papier, mais dans les faits, on n'a pas encore réellement l'égalité. Oui, merci. Et est-ce que vous pensez qu'une journée sans travail des femmes, c'est vraiment possible? Une journée sur le... sans travail des femmes, c'est une vraie grève de femmes. Oui, disons, je pense que ça peut être... Effectivement, ça dépend un petit peu, je dirais. C'est vrai qu'il y a plusieurs groupements ici. C'est vrai que peut-être que le fait de montrer que les femmes ne sont pas présentes, c'est peut-être... une façon de montrer que l'on est là, notre invisibilité en d'autres temps, le fait que l'on ne tient pas toujours compte des femmes, ben, si elles ne sont pas là un jour, ben, on va peut-être voir effectivement qu'elles ont un rôle à jouer. Quoi. Exact, oui. Disons que moi, je suis là plus aussi pour la Marche mondiale des femmes, qui est un groupement de toutes les associations de femmes. Et ça fait des années que l'on travaille contre les violences et la pauvreté envers les femmes. Et merci pour votre travail. Merci. Féministe un jour et féministe toujours, et du coup ben j'ai eu moi enfin voilà j'ai toute cette journée comme ça prise dans la grève des femmes machin, et donc je me retrouve à l'hôpital, bon pas par accident, tout va bien. Voilà, je me retrouve à l'hôpital et donc je commence à aller à l'accueil où on me dit qu'il faut que j'aille à la machine chercher un ticket, mais la machine me dit ben il faut aller au guichet. Donc je retourne au guichet et puis je dis à ces deux dames qui m'avaient pas très bien accueilli d'ailleurs au départ, « Ah mais tous les guichets sont fermés, c'est génial, les femmes sont en grève !»« Bah non, me répondent-elles, nous on fait jamais grève. » Ok, c'est sympa l'accueil ici, dis donc. Et sinon c'est où le service gynécologie? Bah il faut suivre la machine vous le dira. Ah ouais, super, voilà, donc bon, j'y vais, je trouve l'endroit, et puis dans la salle d'attente, j'attends, et je chope en fait une conversation comme ça d'une gynécologue qui est dans son bureau, porte ouverte, et qui discute avec une autre personne, et qui dit comme ça, « Ah non, mais les règles, de toute façon, c'est pas naturel, hein, les règles, c'est culturel. Hein. » D'ailleurs, c'est ce que je dis à mes patientes. Au XIVe siècle, les femmes, elles étaient enceintes, elles allaitaient, puis elles étaient enceintes, et puis elles allaitaient, puis elles étaient enceintes, et puis elles allaitaient, et puis rebelotes, et donc elles avaient leurs règles, quoi, peut-être 10 fois dans une vie, quoi, c'est tout. Et donc aujourd'hui, bah, on a ces règles à 10 ans, et puis on fait son premier enfant à peu près à 35 ans. Ben, 25 ans de règles, c'est pas naturel, hein. Regarde un peu chez les animaux. Tu l'as noté. Eh bien. Ben oui, je comprends que tu l'aies noté. Et je l'ai noté direct. Voilà. Et je me suis dit, c'est chouette, je ne rentre pas chez elle. Donc tout va bien, j'en ai eu une sympa. Eh bien, en fait, cette petite anecdote, elle est un peu en lien avec ce que m'ont raconté les femmes que j'ai rencontrées tout à l'heure. Et donc, il y a plusieurs capsules. La première, ben, je vous laisse écouter, sinon je divulgue ce qu'elles vont dire. On n'est pas des dauphins, on a des poils au sang. On a dit qu'on avait des poils au sein. On l'a dit tout haut et on l'a même écrit sur une pancarte. Non mais oui, les poils, on en a partout. Je sais pas, c'est encore un truc qui est encore invisibilisé, non? On se les enlève encore toutes et c'est hyper difficile de l'assumer. Et il y a des endroits où on se dit, bon en fait, là je me les ai... Moi-même je me dis non parfois, bon je m'épile parce que là c'est dur à assumer tout le temps quoi. On a droit à des regards, des commentaires, partout, n'importe où, n'importe qui, même non entre femmes. Même entre femmes, on a encore des femmes là qui nous ont croisées qui ne comprenaient pas ce que ça voulait dire ce panneau. Du coup, oui, voilà, les poils au sein, c'est quand même assez particulier. Enfin, en tout cas, ça paraît particulier pour beaucoup de gens, alors qu'en fait, je pense que c'est le quotidien de beaucoup de femmes. Et on a envie de les garder, parce qu'ils sont mignons, ils sont un peu bouclés comme ça. Je sais pas, Issa, si tu veux dire quelque chose. Ou tout lisse et épais, pour certaines. Et bah non, après, c'est vrai qu'on s'était dit qu'on allait faire... on n'est pas des dauphins, on a des poils pubiens. Mais bon, les poils pubiens, c'était encore trop normal. Et les poils au sein, c'était plus fort, on trouvait. Et ça partait aussi de l'idée que... Bah, en tant que mammifère adulte, on a des poils, nous aussi, et que voilà, il n'y a pas que les hommes qui peuvent avoir une belle barbe. On ne va pas rester que des petites filles. Voilà. On est ici aujourd'hui réunis avec des copines tisanières. On a décidé de faire un bloc avec toutes des femmes qui prennent soin de la terre, du coup, que ce soit des personnes sensibilisées parce qu'elles ont un potager ou parce qu'elles s'inquiètent de la situation des paysans et des paysannes. Du coup, nous, avec deux autres copines, on a décidé de faire un petit chariot où on va distribuer de la tisane gratuite. Et par ce biais-là, on veut partager un savoir ancestral, mais qui s'est perdu et qui est en train de revenir aujourd'hui. Du coup, je pense qu'un des points essentiels, c'est la réappropriation du corps, d'apprendre à savoir comment fonctionne son corps, comment prendre soin de soi-même. Pour moi, c'est aussi une manière de lutter contre les lobbies du pharmaceutique en se rendant compte qu'autour de nous, on a des plantes qui peuvent nous soigner à titre préventif aussi. Et surtout, pour ma part, je suis là aussi pour toutes les paysannes du monde entier en fait, qui sont les femmes, enfin certaines des femmes les plus précarisées, qui nous alimentent toutes et tous et qui pourtant sont dans des situations très difficiles. Voilà, donc pour une réappropriation du corps, en soutien à toutes les femmes paysannes, et parce que la lutte continue et que la révolution se fera pas sans nous. Donc voilà, ça me prend par surprise. Donc on vient d'écouter ces deux capsules, une avec les femmes qui revendiquent le droit d'avoir des poils là où elles veulent, et l'autre qui fait le lien avec la terre, et donc qui a un lien important aussi en tant que femme, mais aussi pour toutes et tous, rapport à la terre qui nourrit. Et donc nature, culture, tout ça, c'était lié. Et on vient d'écouter cette capsule, hein, c'est ça. Parce qu'il faut savoir que nous, on est dans une configuration un peu étrange comme ça. On est en haut comme ça du Dolmol. Il y a juste des tableaux et nous. Et on a viré tout le monde. Genre, il n'y a pas moyen que tu montes. Non, mais sinon ça fait du bruit. Et en bas, en fait, tous les gens qui sont là. Mais forcément, on a mis la radio en bas, donc les gens entendent en fait ce qui se passe dans l'émission. Mais nous, pour être honnête, nous n'entendons pas les sons que nous transmettons. Et donc, nous sommes à chaque fois surprises. Ah, ça y est, le son est terminé. Hop, on arrive de nouveau. Voilà, et il faut savoir aussi qu'il y a un mini décalage de 20 secondes entre ce qu'on dit et ce qu'on entend. Et si ça, c'est pas fort de faire de la radio comme ça ? Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre là qui arrive ? C'est Gwen ou Julia qui ont pris les danses. Oui, j'avais encore fait quelques interviews, mais qui vont être lancées maintenant, c'est ça ? Bon, c'était quelque chose, un nouveau collectif qui existe depuis un an. C'est une association qui crée des logements pour les femmes en difficulté. Et voilà, donc ils vont en parler de ça, et après, je ne sais pas si ça passe tout de suite, j'ai aussi parlé avec le collectif de travailleuses domestiques sans papier qui étaient là pour qui disaient aussi quelque chose avec les papiers toilettes, on veut les papiers ou quelque chose comme ça. Bon, c'est mieux d'écouter leur slogan. Mais voilà, c'était sur le travail en noir fait par des femmes sans papier. Ça va. Ben voilà, bonsoir presque. Bonsoir. C'est presque la fin de la journée, ben, juste avant la manif. Je rencontre encore plein de femmes et plein de collectifs. Ouais. Et vous êtes le collectif de ? Nous sommes l'association Angela D, association novatrice pour gérer ensemble le logement de manière durable. Et, il s'agit d'une association féministe pour la promotion de l'accès au logement des femmes en situation précaire, car statistiquement parlant, les femmes ont beaucoup plus de difficultés à accéder à un logement décent, à des crédits hypothécaires, etc. etc. Et surtout, quand elles sont en situation précaire, elles sont responsables, chefs de famille monoparentales. Nous luttons pour combler l'écart dans l'accès au logement. Et donc, on se bat pour l'équité et pour également influencer, changer la politique du logement public. Parce que si la structure ne change pas, on met un pansement sur une jambe de bois. Voilà, alors nous sommes un groupe de femmes merveilleuses, actives, dans plein de domaines, compétentes, solidaires. Et on est ici à la manifestation pour mettre en évidence cet aspect-là également, outre tout ce que les autres collectifs mettent déjà en évidence. Et comment les femmes qui se trouvent dans la situation difficile et qui cherchent un logement, comment ils se trouvent chez vous ? Comment ils peuvent vous... Comment vous... Alors, nous sommes accessibles, évidemment, on a sur Facebook un site, angela.d. D'une part, d'autre part, l'association est une association jeune. Ça va faire le 23 mars, on va avoir un an. Donc on va fêter notre premier anniversaire. Et nous sommes déjà en partenariat avec plusieurs autres associations, et notamment le Community Land Trust et Passage, avec lesquels on réalise déjà un premier projet de construction d'habitat solidaire grâce à un financement de l'Union européenne et à la région de Bruxelles-Capitale comme intermédiaire et partenaire. Et donc, pour le moment, on n'est peut-être pas très visible, mais très certainement, on le deviendra. On va bouche à oreille qui va. Mais n'hésitez pas à aller voir sur le Facebook angela.d. Et voilà. Et de venir. Et nous soutenir, il y a moyen de nous soutenir et devenir membre. Et on a besoin de toute énergie et toute femme qui a envie de faire bouger les choses et qui peut facilement se joindre à nous, nous contacter via le site, c'est déjà ça. Ou sinon, nous soutenir par des moyens financiers ou des dons aussi. Merci. Ok, merci à vous. Bonne manif. Merci. Ok. Visiblement, on a eu un petit souci, on n'a pas pu écouter les travailleuses de la Ligue des travailleuses domestiques, c'est ça ? Et voilà, là, on nous dit à l'oreillette que quand même cette manifestation, cette marche est historique. Il semble qu'il y avait 15 000 femmes qui manifestaient ce soir dans les rues de la capitale. Donc voilà, on peut être... voilà, 15 000 Et si on avait bien exporté tous les sons, on aurait pu, de la carte, on aurait pu mettre tous les chants de la foule en délire dans les rues, sur la petite ceinture. Mais donc voilà, bravo à toutes ces femmes qui ont organisé tout ça. Oui, j'ai... en fait, j'ai croisé une amie à moi dans la marche et j'ai dit... Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as fait grève aujourd'hui? Parce que je sais qu'elle est artiste et elle travaille comme toujours, mais sur son propre travail. Mais elle a dit non, j'ai fait grève aujourd'hui aussi. Et j'ai trouvé ça très cool de faire la grève quand même, si tu es artiste. Sinon, si tu es hyper passionné par ton travail, c'est encore important. Alors, on peut jouer cette clip. Artiste ou travailleuse autonome? C'est un peu la question que je me suis posée et du coup, j'avais beaucoup de choses à faire, donc j'ai décidé de m'arrêter ce matin. Et que c'est pas parce que tu travailles pour toi que tu peux pas faire grève et que tu peux faire grève à l'intérieur de ton propre temps de travail. Voilà. Bah, bonsoir, c'est presque la soirée. On est juste devant la manif. Tantôt, ça va commencer la manif, mais je viens de rencontrer ici un collectif. Et vous êtes quel collectif et vous faites quoi? Bonjour, on est le collectif de la Ligue des travailleuses domestiques de la CSC MOC, Bruxelles. Nous sommes des femmes migrantes sans papier et on soutient la grève aujourd'hui toute la journée et aussi les femmes qui ne peuvent pas faire la grève, on soutient aussi parce qu'on sait que surtout les travailleuses domestiques, on est obligé, surtout sans papier, de travailler pour ne pas perdre notre travail. Si on ne travaille pas, on n'est pas payé. Merci. Oui. Mais comment vous pouvez faire la grève parce que c'est... Mais nous sommes là parce que vraiment, comme a dit ma collègue, c'est vraiment un grand groupe de femmes et migrantes qui travaillent depuis longtemps, depuis des années. Et vraiment, la motivation d'aujourd'hui, c'est montrer que notre travail domestique c'est invisible, mais on veut que tout le monde reconnaisse notre travail parce que si on arrête, la vie viendra vraiment très très sale parce que c'est l'importance de notre travail. C'est vraiment le motif de montrer notre travail doit être vraiment visible. Okay. Merci, bien parlé. Voilà, entre temps, il y a. C'est pas les nettoyeuses, c'est la loi qu'il faut changer. Oh lélé, oh là là. C'est pas les immigrés, c'est pas les sans-papiers, c'est la loi qu'il faut changer. Vos toilettes propres, nos propres papiers. Vos toilettes propres, nos propres papiers. Vos toilettes propres, nos propres papiers. Vos toilettes propres. C'est bon? Oh lélé! Oh là là! Solidarité avec les sans-papiers! C'est pas les immigrés! C'est pas les nettoyeurs! C'est la loi qu'il faut changer! Oh lélé! Oh là là! Moi aujourd'hui je suis là parce que j'ai envie de marcher dans la rue et de me battre pour mes droits, parce que je fais partie d'une catégorie de la population dont les droits ne sont pas encore complètement acquis. Je suis lesbienne, je suis Gwyn, et je suis encore considérée comme, pour certaines personnes, comme étant une sous-citoyenne. Du coup, je suis là pour défendre mes droits et pour revendiquer le droit de pouvoir être en sécurité et de pouvoir avoir la vie que je veux, la famille que je veux et la vie que je veux, quoi. Ouais. C'est quoi le pouvoir de la colère aujourd'hui? Le pouvoir de la colère, c'est... pour moi, dire que je suis en colère, c'est très important parce qu'on dit souvent qu'il y a une bonne façon de militer, il y a une bonne façon de dire les choses et que la bonne façon de le dire, c'est pas d'être en colère. Et je suis pas d'accord avec ça parce que, en fait, il y a un moment où quand on nous interdit des droits fondamentaux ou qu'il y a des injustices qui sont immenses, être en colère, ça fait partie du process. Et du coup, silencier les gens parce qu'ils sont en colère, c'est juste pas possible en fait. Donc je revendique le droit d'être en colère et je revendique le fait que je le suis parce que j'ai tous les droits de l'être. Il est déjà la fin de l'émission quasi, quoi. C'est passé à une vitesse dingue en fait. Et là, le dolmol, c'est tout calmé, ça fait tout bizarre. Voilà. D'ailleurs, on remercie Simon du dolmol qui nous a accueillis depuis 10 heures en fait ce matin, qui nous a ouvert alors que nous, on est arrivé à 11 heures. Voilà, merci Simon. Oui. Et merci à toutes vous, Suzy, Louison, merci à toutes Gwen, toi. Julia, Lydia, Zoé et toutes les autres qui sont Nicole qui est venue. Et puis toutes celles qui nous soutiennent là, voilà, derrière, qui ça. Nous envoient des SMS pour nous dire ouais et tout ça. Voilà. Et donc. Quand même encore un grand merci au collectif 8 mars, qui tout est un collectif indépendant des partis et des syndicats, quand même bien à dire aussi, parce que c'est quand même assez exactement. Récent, qui sont lancés, voilà. C'est la première année, non ? Il y a 6 mois, on était 15, c'est et voilà. Un énorme maintenant, succès. On est 15 000. On va... Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. Et donc, ça veut dire que tout est en marche pour l'année prochaine. Tout à fait. Encore plus grand. Et donc, comme on est dans les infos, le collectif organise son assemblée d'évaluation et de relance le 27 avril. Donc voilà, soyez attentifs aux réseaux sociaux, aux sites. Et là, on se retrouve au Piano Fabrique. Maintenant. Oui, ouais. C'est ça. Eh bien, bonne soirée sur Radio Panique oui, et sur Radio Air Libre. Salut. Salut, salut. Bonne soirée.